Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est samedi, c'est Fred et c'est l'heure de la consultation du Dr Disco et de Mr Funk. On démarre sur la découverte. Un petit jeune aujourd'hui, Freddie James, né en 1965 à Chicago et qui connaît la gloire à 14 ans avec son titre Get Up and Boogie. Pour ce titre, il a d'ailleurs reçu de Juno Award et a gagné un titre honorifique dans son pays. Alors un autre fait notoire, sa mère, c'est Geraldine Hunt, une chanteuse connue qui est déjà passée dans notre émission il me semble. Le titre sera numéro 1 en Belgique, numéro 3 aux Pays-Bas. Et il va produire par la suite le groupe Cherry. C'était dans 1979 et ça donnait ça. C'est le moment de notre rubrique des 100 hits qui ont fait le disco. Aujourd'hui, le groupe The Originals et son titre Down to Love Town. Le groupe est un quartet masculin qui fait les beaux jours de la Motown dans les années 60. La décennie suivante est moins reluisante et le groupe se cherche un hit. Leur producteur Frank Wilson est sur le point de quitter la Motown, mais il veut laisser son empreinte avec un tube. Il produit un des plus gros hits disco du label, mais aussi le premier maxi 45 tours sorti chez Motown avec Down to Love Town. Il ne siège qu'une semaine à la tête du top disco, mais permet à la maison de disques de rester dans la course infernale qui est devenue le disco, tout comme Love Hangover de Diana Ross et Don't Leave Me This Way de Thelma Houston. Alors le morceau il paraît d'abord sur l'album Communique, mais le succès est tel que ce dernier est renommé pour augmenter les ventes. Le texte parle d'un homme soulagé d'avoir rompu avec une femme qui ne l'aime pas. Il se dirige vers la ville de l'amour, retrouver quelqu'un capable de lui faire oublier son blues. Cette ville, elle peut symboliser la discothèque, puisqu'il y va avec ses happy shoes, sous-entendu que l'amour peut aussi se retrouver sur la piste de danse. La chanson, elle figure sur « Thanks God, it's Friday ». Ça vous dit quelque chose, non? Allez, c'est parti! Thank you. Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Alors on va passer maintenant à notre rubrique mensuelle de la phase B. On va revenir sur Prince. Savez-vous quel titre composait la phase B de I Wanna Be Your Lover? Je parie que non. Il s'agit de My Love Is Forever. La particularité, c'est que ce morceau est extrait de l'album précédent, For You. Vous me suivez? Le 45 tours sort en août 1979. Inutile de vous dire que le son est bien funky. Alors le 45 tours atteindra la première place aux USA et restera classé 23 semaines dans les charts US. Assez parlé, place à l'écoute. Alors le maxi du jour, ça va être pour un groupe qu'on n'a pas écouté depuis longtemps. Si je vous dis Let's Groove, ça vous rappelle Earth, Wind & Fire, n'est-ce pas? Alors elle est sortie en 1981, elle sera reprise en 2005 dans le dessin animé Cusco 2. Extrait de l'album Rise, elle sera classée deuxième en France et sera disque d'or aux USA. Prêt pour plus de 5 minutes de bonheur? Mmh. smile on the floor, take a little time. Come and see, groove with me, get a little sign. I'll be there after a while. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors pour la pépite, on va prendre la direction de ma petite chouchoute, France Jolie. On a déjà entendu pas mal de titres, mais j'ai encore réussi à vous en trouver un, You're Good Loving, sorti en 1982 et tiré de l'album Now, sorti aussi cette année-là. C'est un très bon album, peut-être son meilleur. Your Good Loving a été réalisé par Daryl Payne et Eric Matthews. Le reste de l'album est très funky et lui a permis de faire la première partie du concert des Commodores à New York. Bonne dégustation! Alors voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'étais ravi de passer ce moment avec vous comme d'habitude. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine et à samedi prochain. Bye bye.